38e édition du Festival de Jazz en Touraine qui débutera ce vendredi 13 septembre à Montlouis-sur-Loire. Une date porte-bonheur puisqu'elle marquera un événement musical exceptionnel, la reformation du groupe Les Yeux Noirs, un groupe né en 1992 et dont le dernier concert a eu lieu à Versailles en 2017. Les Yeux Noirs, s'il fallait encore le préciser, c'est un voyage dans l'univers tzigane, yiddish, mais aussi avec des petites valeurs ajoutées de sons plus contemporains comme la pop et le rock. Le membre fondateur de ce groupe avec son frère Olivier, c'est Eric Slabiak. Il évolue aujourd'hui et depuis 2019 avec la formation Joseph Joseph. Et on est très chanceux aujourd'hui parce qu'il nous fait l'honneur de nous consacrer un petit moment. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, est-ce que la présentation est fidèle un petit peu au parcours ? Ah bah oui, oui, oui, j'ai rien à redire. Alors Eric, vous êtes auteur, compositeur, violoniste, chanteur. On peut même admirer vos petits déhanchés sur scène, laissant peut-être supposer une carrière de danseur, non ? J'aurais bien aimé, mais je m'en suis rendu compte trop tardivement. Ah. Mais j'aimais bien, cela dit, voir le... Quand j'étais au conservatoire, j'assistais de temps en temps aux cours de danse parce que ma sœur aînée faisait de la danse. Mm-hmm. Et j'aimais voir l'exercice et la manière dont ça semblait faire du bien au corps, même si parfois ça avait l'air douloureux, mais j'avais une sensation de bien-être dans le fait d'allonger, d'étirer et de pousser son corps dans ses retranchements. Bon, on voit bien que vous en avez retenu des leçons. Alors c'est la musique... La musique, Eric, ça démarre, vous avez 5 ans, c'est une histoire de famille, parce que si je me trompe, vos oncles avaient notamment accompagné Joseph et Django Reinhardt ? Oui, mon oncle Léo, qui était violoniste pendant une vingtaine d'années, était le violoniste avec Joseph Reinhardt, donc le frère de Django, et oui. Puis Charlie, qui était contrebassiste, lui avait fait 6 concerts avec Django Reinhardt à la CAF Saint-Germain, voilà. Ils ont une histoire affective avec la famille Reinhardt, les cousins. Léo avait également joué avec Babic, le fils de Django. Et ils ont toujours fréquenté les manouches, le milieu du swing gitan. Et c'est un univers qu'on a pu, dont on a été imprégné et qu'on a pu musicalement savourer quand on était enfant. Et vous signez également des bandes originales de nombreux films documentaires et de fiction pour la télévision et le cinéma. Oui, c'est une des cordes à mon arc, et non pas à mon violon, bien que de temps en temps je compose pour le violon, comme souvent, et les orchestres à cordes d'ailleurs. Mais oui, c'est quelque chose que j'aime énormément, qui me fait beaucoup de bien et qui est tellement vaste que je ne m'ennuie jamais. Quel parcours ! Alors, Les Yeux Noirs, rappelons-le, c'est une aventure musicale qui aura duré 25 ans, 8 albums, dont une nomination aux Victoires de la Musique en 98. C'est 1400 concerts dans le monde entier sur les 5 continents. Et puis, il y a eu un petit passage à Amboise, au Théâtre Beaumarchais, il y a une vingtaine d'années. Je le sais parce que j'y étais et j'ai adoré. Oui, c'est vrai, Amboise, je m'en souviens. Et on est repassé à Amboise, il me semble, avec Joseph Joseph, je crois. Oui, tout à fait. Mais oui, c'est vrai que c'est une aventure de 25 années assez intense. On a fait un peu plus de 2400, on a fait même un peu plus de 1800 concerts, à vrai dire, avec les Yeux Noirs. On a beaucoup tourné aux États-Unis, en Asie, au Canada. Enfin, on a vraiment fait les 5 continents. On n'est pas allé dans tous les pays. Mais disons que cette vie de tournée a démarré grâce à Boris Kurz, pour qui nous allons jouer le 13, qui était notre premier agent. Et Boris a d'ailleurs démarré sa carrière d'agent de musicien avec nous. Et c'était vraiment une rencontre très importante et un ami cher, quelqu'un qui avait une passion pour la musique et bon, évidemment c'était très facile de passer des bons moments avec lui. Il nous accompagnait souvent en tournée et voilà, une personnalité qui marque nos vies. Et vous allez lui rendre hommage évidemment pour cette soirée de ce vendredi 13 à l'Espace Ligeria. Vous l'aviez déjà fait le jour de ses obsèques, on a pu assister pour ceux qui étaient présents à un moment très émouvant. C'est vrai, le jour de ses obsèques, j'avais demandé à mon frère s'il serait d'accord pour venir jouer avec moi et puis avec Franck Anastasio, le guitariste du groupe. Et il avait accepté très volontiers. Et c'était un moment qui nous avait bien bouleversé, mon frère et moi, et puis je crois les gens autour. Bah, c'était une manière rendre hommage à Boris et puis de se réunir avec mon frère avec qui nous n'avions pas joué depuis 5 ans à l'époque. Voilà. Donc oui, c'était un moment important qui préfigurait le concert que nous allons donner vendredi. Oui, tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Boris Kurtz ? Parce qu'il était programmateur du festival de jazz en Touraine, bien évidemment, d'où le lien avec le festival. Et Boris, malheureusement, nous a quittés quelques jours après la 37e édition de ce festival l'an passé. Il animait également l'émission Osez Jazz à tous les étages sur notre antenne aux côtés de François Néraud. C'était un homme vraiment imprégné, passionné par le jazz sous toutes ses formes. Alors évidemment, ce festival ne pouvait pas débuter autrement que par cet hommage. Est-ce que vous savez si la soirée est au complet ou s'il reste encore des places, Eric ? Oh, je pense qu'il reste des places. Hein. C'est une grande salle, donc je ne me suis pas renseigné, cela dit, mais il me semble quand même qu'il reste des places, puisque j'en ai demandé encore des amis qui voulaient venir m'ont demandé s'ils pouvaient en acheter, et ils sont allés sur le site et ils en ont trouvé à vendre, donc... Et c'était pas plus tard qu'il y a 2 jours, donc je pense qu'il en reste. Bon, les billets sont en tout cas en ligne sur jazzentouraine.com. On ne peut que conseiller à nos auditeurs de se dépêcher tout de même d'aller acheter leurs billets. C'est une soirée carte blanche et vous avez souhaité vous entourer d'autres musiciens. Oui, bah, l'idée c'était de monter un spectacle avec des musiciens dont j'avais été l'agent. Donc j'ai demandé à Sébastien Gignot, qui est un musicien que j'aime énormément, grand guitariste, grand violoncelliste, enfin grand musicien tout simplement. C'est quelqu'un qui a une maîtrise quasi parfaite, enfin, parfaite de la guitare, mais qui est avant tout un musicien, quelqu'un qui a un sens du phrasé que j'aime énormément. Et j'ai demandé également à Norik, oui, qui dont Boris s'était occupé également dans les fin des années 90, qui est une voix merveilleuse, une artiste solaire que j'aime beaucoup, qui m'émeut beaucoup sur scène, avec qui j'ai déjà monté un spectacle. Sébastien Gignot également, d'ailleurs, on avait monté un spectacle il y a quelques années. Et puis, donc, il a la reformation des Jeunards avec mon frère Olivier. Et puis, également, Ludovic Bayer, qui est un accordéoniste absolument prodigieux. Vous allez, pour ceux qui viendront entendre à quel point il excelle dans le jazz qu'il pratique beaucoup, mais également quand il prend des chorus dans la musique des Balkans, quand il se mêle à nos morceaux, puisque j'ai voulu que chacun joue son propre répertoire et que tous nous fassions des morceaux ensemble. Donc on peut entendre les multiples talents de Ludovic, Norik et Sébastien, ainsi que des musiciens de Joseph et des Yeux Noirs, puisque Joseph et les Yeux Noirs sont quasiment le même groupe. En fait, on ajoute mon frère à Joseph et ça fait les Yeux Noirs. Mmh. Voilà. Donc on mélange tous, on interprète au répertoire et ensuite on les mélange. Voilà. Très bien, rendez-vous exceptionnel ce vendredi 13 septembre puisque non seulement les Yeux Noirs se reforment mais qu'ils accueilleront sur scène des amis et tous animés par l'amour de la musique. C'est dire si la soirée sera mémorable. On conseille vraiment à tous les auditeurs qui entendront cette émission d'aller dans les bancs de l'espace Ligeria ce 13 septembre. Eh bien, merci beaucoup Eric de nous avoir consacré un petit peu de temps. Avec plaisir. Merci de m'avoir contacté. Je vous propose qu'on se quitte avec Sir Badili, par exemple. Oui, ah oui, d'accord, avec plaisir. Eh bien, c'est parti, on vous souhaite un excellent concert à l'Espace Ligeria ce vendredi 13. C'est gentil. Au revoir. Au revoir.